De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1, le déraillement et l'explosion d'un convoi pétrolier de la MMA à Lac-Mégantic le 6 juillet dernier ont provoqué l'un des plus gros brasiers d'hydrocarbures en Amérique du Nord en rasant une grande partie du centre-ville. Cette stratégie a malheureusement coûté la vie à 47 personnes, la pire tragédie à avoir touché le Québec. Alors, Mélanie Jean est avec nous pour nous rapporter la preuve scientifique. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Alors, si tu nous faisais un rappel des faits. Oui, eh bien, tout a commencé dans la ville de Nantes, pas loin de Lac-Mégantic, le vendredi 5 juillet à 11h du soir. Tiré par 5 locomotives, il y a un convoi de 72 wagons-citernes qui s'est mis en branle avec personne à son bord. Mm-hmm. Entraîné par la gravité, ben là, le convoi, qui pesait pas moins de 10 287 tonnes, a filé tout droit vers le centre-ville du lac Mégantic, qui est situé à 12 km à peu près de Nantes. Uh-huh. Puis on sait que la pente était quand même de à peu près 1%. C'est pour ça qu'il est parti à descendre, là, c'est ça? Oui, ça n'a pas pris grand-chose pour qu'il descende. À 1h14, le train fantôme, comme on l'a si bien surnommé, s'engouffre totalement dans le centre-ville à pas moins de 100 km/h. La vibration était tellement forte que les locomotives se sont détachées et ont poursuivi leur route sur 800 mètres. Le résultat, 63 wagons-citernes ont déraillé et 6 millions de litres de pétrole se sont déversés. Uh-huh. Et l'ampleur des catastrophes a pris, en fait, tout les intervenants au dépourvu. Totalement, parce que là, arrivés sur place, les pompiers étaient complètement impuissants. Ils n'avaient jamais vécu une situation pareille. La chaleur qui se dégageait des citernes enflammées avoisinait les 1500 degrés Celsius. Non, ils ne pouvaient pas s'approcher à moins de 700 mètres du brasier, ce qui est un peu difficile pour éteindre un feu. Uh-huh. Puis on sait que le seul produit qui peut éteindre un feu d'hydrocarbures, c'est la mousse ignifuge. Uh-huh. On n'éteint pas ça avec de l'eau. Non, c'est ça. On sait tous pourquoi. Oui. Mm-hmm. Là, à Lac-Mégantic, il y avait un problème assez majeur. Ça en prenait une quantité phénoménale. Et puis là, il n'y a aucune caserne au Québec qui en disposait d'une si grande quantité. Donc là, vers 10h45, après de nombreuses recherches... En fait, c'est ça, le 6, là, c'est ça. Et bien là, on a fini par trouver quelque chose. On a joint Ultramar. La raffinerie stocke d'importantes quantités d'émulsifiants parce qu'elle a elle-même des grandes quantités de pétrole. Mm-hmm. Et c'est un liquide chimique qui sert à produire cette mousse-là. Alors, 30 000 litres d'émulsifiants se sont donc dirigés vers le lac Mégantic durant l'après-midi. Et là, le samedi soir à 20h, soit 19h après le déraillement, là, on s'est mis à attaquer les citernes avec la mousse ignifuge. Il y a 80 services d'incendie qui sont venus de pratiquement partout dans la province qui ont été impliqués pendant 2 jours. Donc, on a réussi à éteindre le feu seulement le lundi, le 8 juillet. Et quelle était la composition du convoi ferroviaire? Là, on parle de 5 locomotives de tête, d'un wagon tampon, de 72 wagons-citernes, ce qui donne une longueur totale de 1433 mètres, c'est tout un train, et un poids, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 10 827 tonnes. Un train de 1,4 km de long, c'est énorme. Impressionnant. Hein? Et d'où provenait finalement le train et le pétrole transporté par ce convoi? Le pétrole léger qui était contenu dans les citernes qui se sont malheureusement déversées au lac Mégantic provenait de la formation rocheuse Bakken, c'est situé très loin de chez nous, à 3000 km du lac Mégantic, dans le Dakota du Nord. J'ouvre une simple petite parenthèse, il y a une énorme production de gaz de schiste qui se fait dans ce coin-là, c'est en pleine émulsion là-bas. Okay. Là. Donc, la majorité même à Québec aussi, là, on voit des camions citernes passer, en général, ça vient de là. Okay. Et c'est un pétrole qu'on dit non conventionnel, parce qu'il est extrait, là, comme je l'ai dit, de la fracturation de la roche, là, des gaz, de fameux gaz de schiste et pétrole de schiste et compagnie. Et les analyses du Bureau de la sécurité des transports, là, qu'on a appelé le BST, que tout le monde connaît maintenant grâce aux médias, ont montré que ce pétrole était vraiment plus inflammable qu'on pensait. Ils ont informé en fait que le point d'éclair était plus bas que prévu. Ça, le point d'éclair, c'est la température à partir de laquelle un liquide émet suffisamment de vapeur et une fois mélangé à l'air et exposé à une source d'ignition, va s'enflammer. C'est ça. Donc, ça prend évidemment un liquide combustible pour c'est ça. D'ailleurs, Mélanie, il y avait des témoins visuels qui avaient rapporté que le feu courait dans les rues tout de suite après le déraillement. Oui, c'était liquide, là, en fait. Ben, c'est ça. Alors, si ça avait été vraiment du pétrole lourd, qui est lourd comme de la mélasse, ça serait peut-être moins répandu rapidement. C'est ça, parce que pour que ça court comme ça dans les rues, il faut que le liquide soit très, peu visqueux. C'est, là, ça, c'est ça. Le pétrole conventionnel est beaucoup plus visqueux. Oui. Probablement qu'il serait, comme tu as dit, c'est un peu de la mélasse, ça serait pas beaucoup moins rapidement. Effectivement. Un peu comme de la lave, là. Effectivement. C'est le même principe. Exactement. Là. Et là, il y a des nouvelles citernes qu'on appelle des citernes à basse pression, là, de type DOT 111, là. Quand vous verrez un train passer avec des citernes noires, là, c'est probablement ce chiffre-là que vous allez voir. Puis DOT, ça doit probablement vouloir dire Department of Transport, j'imagine, aux États-Unis. Je sais pas trop, mais il y a des chances. Okay. Et ça, c'est fait d'acier plus épais et de meilleure qualité. Les têtes des wagons, chaque bout, là, en fait, du cylindre, là, est protégée par des espèces de boucliers d'acier et des systèmes de service, là, au sommet de la citerne qui sont protégés par des enceintes qui sont un peu plus robustes. Et le Bureau de la sécurité des transports doit procéder à des essais métallurgiques sur certaines composantes d'acier qui ont été récupérées sur le lac Mégantic. Même après, là, ça fait pas moins de presque 6 mois, là, c'est pas encore fait, là. OK, mais ça, en fait, ces wagons-là de type d'autres, c'était ceux qu'on disait qui étaient pas très bons, quoi? Mais c'est parce qu'au départ, ces wagons-là, là, c'était fait pour transporter du blé. Ah, okay. Des trucs du genre, là, pas dangereuses... Puis là, on a comme décidé de convertir ça pour transporter des matières un petit peu plus dangereuses que du blé. Donc, ça demande... Évidemment, c'est pas les mêmes besoins en termes de sécurité. Là, c'est ça. Et les tests dont tu parlais, en fait, en quoi ils consistent? Ben, c'est à la fois des tests qui vont être chimiques et physiques. Les analyses chimiques vont permettre d'identifier des éléments de décomposition, là, carrément, là, en quoi c'est fait, et leur quantité. Dans n'importe quel alliage métallique, même si ça a été endommagé par le feu, ils sont capables de savoir de quoi c'était fait, puis de quelle qualité de métal c'était. Okay. Et les tests physiques vont permettre, entre autres, là, d'évaluer le comportement de cet acier-là. L'essai de dureté, là, par exemple, c'est important parce que ça permet d'obtenir une valeur vraiment précise de la résistance maximum du métal du camion, du wagon, citerne plutôt. Laquelle résistance peut être obtenue plus précisément par un essai de traction. Donc, si on venait au nettoyage, ça va être peut-être une corvée, là. Ah, vraiment? Pour vous donner une idée. À cause des quantités déversées, j'imagine. Pour vous donner une idée, là, des quantités qui se sont déversées, il y a 7 679 000 litres de pétrole qui étaient transportés par le train. Mm-hmm. Et de ça, il y a 5 millions, mettons 6 millions, là, je vais arrondir, de litres qui ont brûlé ou qui se sont déversés dans l'environnement. Mm-hmm. Il y en a 1 700 000 qui ont été récupérés. Et il y a 42 998 000 litres d'eau huileuse qui ont été récupérés. OK. Parmi les 6 millions, en fait, on dit de litres qui ont brûlé ou qui sont été déversés dans l'environnement, dans l'eau, probablement, et dans le sol aussi. En fait, on pense que dans l'air, c'est pas de la pollution, mais ça génère beaucoup de la pollution aussi. Oui, on a tendance faut pas à pas l'oublier. On dit qu'il a brûlé, c'est pas grave, mais. C'est ça. Ben, là, ça a brûlé, ça a sûrement dégagé des trucs toxiques, puis compagnie, là. Des gaz à effet de serre, notamment aussi. Oui. Là. Et on croit que la contamination a pu atteindre, tu parlais du sol tout à l'heure, jusqu'à 3,25 mètres de profondeur, c'est pas négligeable. 115 000 mètres cubes de sol seraient contaminés à lac Mégantic. Ben ça, c'est l'équivalent de 50 piscines olympiques. Et je pense que il y avait une couche d'argile, je pense que c'est ça qui a fait que la contamination a pas migré davantage. Il y a des bonnes chances parce que là, on est autour d'un lac. Normalement, autour d'un lac, on a beaucoup de terre argileuse, parce que le lac a déjà peut-être été un peu plus grand, sa superficie était peut-être un peu plus grande. Mais en général, autour d'un lac, on peut retrouver des couches d'argile, il me semble. Pour éviter que l'eau, fuit par le fond, c'est ça? Exactement. Donc, heureusement, si ça avait été plus poreux, ça aurait peut-être descendu. Puis là, est-ce que ça l'a touché la nappe phréatique? Est-ce que c'est assez majeur? Là. Ouais. Et là, aujourd'hui, il y en a qui ont peut-être vu ça dans les médias aujourd'hui, il y a le gouvernement fédéral, M. Stephen Harper, il est venu cet après-midi au lac Mégantic pour annoncer que le gouvernement fédéral accorderait une aide de 95 millions de dollars pour la décontamination. Je parle même pas de la reconstruction de lac Mégantic. Le gouvernement du Québec a estimé que le nettoyage va coûter à peu près 190 millions de dollars. Donc, c'est la moitié de la somme. À peu près la moitié, c'est ça. Donc, là, l'autre moitié, elle va être assumée par le gouvernement du Québec. Et le soutien qu'on a annoncé aujourd'hui, ça va aider à décontaminer les zones touchées, comme le sol, à proximité de où le train a déraillé, la rivière Chaudière et le lac Mégantic. Au total, la surface qui doit être nettoyée, c'est estimé à 31 hectares. Ça, c'est 62 terrains de football. Et là aussi, l'élimination des déchets contaminés, le nettoyage des bâtiments, la démolition de ceux qui ont été contaminés, puis la restauration du réseau d'égouts de la ville, là, ça va être concerné par cette aide-là. Mais là, la liste est vraiment longue après ça. Là. Il y a beaucoup de choses à reconstruire. Et peu de temps après la tragédie, Ottawa avait modifié les conditions d'exploitation des trains en interdisant notamment le recours à un seul conducteur par train, parce qu'on s'est on s'en est rendu compte là à cette tragédie-là, on le savait pas avant, mais ce train-là qui était très long, comme tu as dit là, 1,4 km, il y avait un seul conducteur. Déjà là, c'est un peu étrange là. Et le gouvernement fédéral avait aussi émis des nouvelles exigences sur la classification des pétroles bruts. Et cette visite intervient aussi au lendemain là, de l'ordre donné par Ottawa pour que les compagnies ferroviaires informent beaucoup plus les municipalités des produits dangereux qui sont transportés sur leur territoire. Parce que même quand c'est arrivé, peu de temps après, il y a plein de maires, dont le maire Labeaume, mais plein d'autres municipalités dans le Québec, qui se sont plaints qu'on ne sait pas qu'est-ce qui passe sur notre territoire. Comment voulez-vous qu'on planifie des mesures d'urgence quand on ne sait même pas qu'est-ce que les trains transportent? C'est un fait. Et ce qui est encore plus, ce qui est pire, à mon avis, c'est que ce qu'on disait qu'il contenait, c'était même pas ça aussi. On disait que c'était du pétrole très lourd. C'est alors mal identifié, en plus. C'était mal identifié, en plus. Là. C'est ça. Ça, c'est grave. Là, oui, en plus, parce que c'est ça, justement, quand une municipalité prévoit des mesures d'urgence, mais c'est un peu fait en fonction de qu'est-ce qui brûle, qui est tombé ou qui est déversé. Effectivement. Donc là, si en plus, ils faisaient des mesures sur parce qu'ils pensaient que c'était de l'huile végétale ou des grains de blé, là, quand c'est du gaz de schiste ou du pétrole brut, c'est assez différent. Donc là, c'est ça, le gouvernement exige maintenant que les wagons soient mieux identifiés. Parce que si vous vous promenez un peu là dans le secteur proche du port de Québec, il y a beaucoup de trains qui passent dans ce coin-là. Moi, je passe là tous les jours, puis des wagons citernes noirs, j'en vois tout le temps. Fait que ça fait très longtemps qu'ils en passent à Québec. Ça aurait pu arriver ailleurs qu'à Lac-Mégantic. Tout à fait. Ça aurait pu arriver dans le centre-ville de Québec parce que ça passe tout à fait proche là, de la rivière Saint-Charles. Imaginez si ça avait arrivé là. Là, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés parce que la rivière Chaudière avait été un petit peu contaminée. Ils se sont dit, là, ça va-tu s'étendre jusqu'au fleuve Saint-Laurent? Imaginez si ça arrivait ici, là, sur le bord de la rivière Saint-Charles. Eh bien là, c'est clair que le fleuve Saint-Laurent, il est touché automatique. Puis jusqu'où ça va se rendre? Parce que là, nettoyer un lac, une rivière, c'est dans la mesure du faisable. Nettoyer le fleuve puis l'estuaire, là, bonne chance. C'est ça. Donc là, on a su que les trains, ils vont recommencer à rouler au lac Mégantic à partir de la mi-décembre. Et il y en a plusieurs qui sont pas vraiment d'accord avec ça, puis je pense que je les comprends un peu. Là. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que le tracé va être un peu modifié. Ce que j'espère. Oui, peut-être qu'il ne passera plus au centre-ville tout à fait, mais il va peut-être contourner un peu. Mais c'est dommage, parce que, comme dans tous les, ça prend toujours des morts pour qu'il se passe quelque chose. C'est un fait, malheureusement. Oui. Merci infiniment pour ce résumé, Mélanie. Ça m'a fait plaisir. Alors, on va passer en publicité sur CKRL au 89.1.